Ici Maxime Tremblay du site épéelégendaire.com. Vous êtes des accros des jeux? Parfait! Car Big Ben, Antithèse Rétro Gamer, PQ et Marilune sont là juste pour vous ce soir. Bienvenue dans le podcast des accros des jeux! C'est le Big Ben. C'est Antithèse. Et le Retro Gamer PQ, je pense. qui a un petit lag, je pense. C'est pas grave. Salut tout le monde, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Ça va. La grosse fatigue, hein, je pense. Que tu m'as réembarqué dans WoW et puis. Ok, c'est pour ça que t'as les yeux pochés, d'accord. Bon, oui, moi, Marilyn et Retro Gamer, on a recommencé WoW. Et à cause de ça, ben, on est présentement en recherche d'une clinique de désintox qui va pouvoir nous aider à se sortir de cette situation. Finalement, WoW, c'est une Ça n'existe pas! Non, Antithèse, wow. je t'avais dit tantôt, faut que tu fasses ta fameuse phrase de comme pow. Je suis maître méchant. Non, mais c'est méchant. Vous pouvez m'appeler Betelli. À part ça, vous autres, qu'est-ce qui se passe de neuf dans votre vie? Oh, God. C'est-tu quoi? Ah, oui, non, Sylvain. Je te lance la balle. Il se passe rien. Ah, bah, ouais. Ben... Non, il se passe rien. À quel jeu tu joues, à part WoW? Il joue pas à d'autres choses. Non, j'ai fini Batman Lego 2. Oh, comment tu trouves le jeu? J'ai bien aimé. Je l'ai pas fini à 100%, là, mais j'ai tout fini l'histoire, puis ouais. Ça fait du changement de voir enfin un jeu avec des voice-overs sur les trucs. Génial. Moi, j'hésitais parce qu'il est pas cher en plus. Ils le vendent pas cher dans les magasins. Fait que... 5$ un peu partout, en fait. Mm-hmm. C'est vraiment pas cher. Un spécial du Hi-Fi. Mm. C'est ça. Toi, Antithèse, c'est quoi tu joues ces derniers temps? Je dirais qu'avec mon... Avec mon nouvel Android, je t'avoue que j'expérimente peu à peu avec Solitaire. Tu sais, le bon vieux jeu Solitaire. Écoute, on joue vraiment des jeux extraordinaires hein, là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Xenonia 4 et 5, je l'expérimente, c'est bien. Je trouve ça bien, quand même. Par de ça, ben écoute, je continue à jouer à Nightshade. Faudrait que tu me fais penser, faudrait que je me mette vraiment sur la PlayStation 3. Ben ouais, faut que je... Mm-hmm. Comment j'ose négliger ma console PlayStation 3? Mm-hmm. Je l'aime! C'est une bonne console, mais moi je t'avoue que la mienne a commencé à prendre la poussière. J'ai l'impression qu'elle est en train de devenir comme la Wii. Sérieux, là, je joue à rien dessus. Ça doit faire 2 semaines que j'ai pas joué sur ma PlayStation 3. Là. Mais j'ai une bonne raison, j'ai un nouvel ordi, fait que ouais, y a ça, je peux finalement jouer à mes jeux. Non, mais genre, ouais. À cause de WoW. À cause de WoW, oui, mais il y a d'autres jeux que j'ai joués. WoW qui, en passant, était supposé aboutir éventuellement en console maison et... Ça n'a pas l'air d'être le cas. Non. Ça marchera pas. Non, de toute façon. C'est rien qu'une rumeur, puis de toute façon, alors peut-être à moins que quelqu'un veut jouer sa Steambox, là. Je m'étonnerais bien gros, là. Non, mettons, WoW, une manette, ça marchera pas selon moi parce qu'il y a tellement de boutons d'icônes. Juste tes action bars, Sylvain, tu peux pas jouer avec une manette avec ça, là. Hey, moi, c'est impossible. Ben, t'as 80 boutons, ou ben t'as un touchpad, genre la Wii U, peut-être, mais à part ça, non. Non. Là. T'as tant de réactions avec une manette, surtout quand faut que tu bouges, puis tout ça durant les raids ou ça. Oh non, ouais, tu vas te faire déchirer. Non. Moi, de mon côté, ben écoutez, moi j'ai joué, oui, à WoW. Je joue pas mal à WoW. Oui, Sylvain m'en veut beaucoup. Et je le comprends. Mais sinon, à part ça, ben, j'ai joué à une couple de jeux sur mon PC que j'avais finalement eu la chance de télécharger puis de jouer. Left 4 Dead 2, finalement, que je peux jouer. Nice. Puis... Bon, ah, j'aime ce jeu-là, c'est le fun. Tuer des zombies à tour de bras puis de travailler en équipe, c'est vraiment le fun, sérieux. Puis je voulais tellement jouer avec Shadix en plus que auparavant je pouvais pas parce que mon ordinateur avait un problème avec la carte graphique. Certains les jeux qui utilisaient le code Steam ne fonctionnaient pas. J'avais un damier dans mon écran, c'était dégueulasse. Fait que j'étais pas capable de jouer, mais là à cette heure, à cause de ma nouvelle ordi, ben je peux jouer. Puis finalement, je peux jouer à Left 4 Dead 2, puis je peux jouer à Half-Life sans problème, puis c'est le fun. Ah, les joies d'un nouvel ordinateur. Eh oui. Sinon, pas ça, ben j'ai fini Metroid Fusion sur GBA. Très bon jeu. J'ai bien aimé. Et je l'ai fait en plus dans mes pauses à job. Fait que ça a pris une couple de temps, mais j'ai réussi à le faire. Hein? Sinon, à part ça, ben rapidement, qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué à TMNT sur GameCube. Lequel? Le premier Tortue Ninja qui est sorti sur GameCube, celle de la série télé. Pas pire, sérieusement, je vais faire une critique bientôt, je pense, parce que j'ai pris des images. Le jeu, s'il joue en coop? Non, il joue à deux, il joue pas à quatre. C'était la grosse lacune. Ouais. Mais j'ai d'autres lacunes également que je vais adresser dans la critique que vous allez voir peut-être à la fin du mois, je sais pas là. Mais c'est dans mes prévisions de le faire au courant du au courant de la game, au courant du mois là, finalement, au mois de février. À part de ça, on a des nouvelles critiques qui sont apparues sur notre site. Ça a été très très prolifique au courant de la dernière semaine. Notre cher Tester Alpha a sorti la critique du jeu Carmageddon sur 64. Oh my god, c'est mauvais. Mais qui avait des potentiels, mais exemple que l'exécution aussi est importante. Mm-hmm. L'exécution le pays là, j'avais vu que moi j'ai financé le jeu Carmageddon sur le nouveau jeu qui va sortir bientôt. Sur Kickstarter, j'ai eu le dos. Mais j'ai su qu'il y avait une journée gratuite un Carmageddon sur iOS et je me suis fait du fun à jouer à ça sur iOS. Sérieux, là, je trippe à jouer à ce Carmageddon. Et j'ai hâte de voir la nouvelle mouture du jeu prochainement. Mais sérieusement, ça va pas donner le goût de jouer à celui d'Air 64. Vraiment pas. Sinon, il y a CE qui a sorti sa critique de Blues Brothers. J'avais jamais joué à la version NES, j'avais joué à la version Super NES. Et oh my god, c'est mauvais. Il y a un commentaire qui a mentionné que la version Super Nintendo était pire que la version Nintendo. Je sais pas si oui. C'était les deux. Ben, de ce que moi j'ai joué, c'était vraiment mauvais, c'était merdique. Je sais pas pour la version NES, ça va de l'air mauvais, autant mauvais. Mais c'est dommage. Je pense que dans sa critique, CE disait qu'il aimait pas vraiment le film. Moi, si je suis un fan fini du film. Sérieux, je trouve que c'est un des meilleurs films de Dan Aykroyd et de John Belushi, je pense. John Belushi, oui. C'est sûr, j'avais peur de mélanger avec son frère. Mais sérieusement, c'est un de mes films préférés. Puis j'avais peur. Quand j'ai joué, j'ai comme fait, ok, je pense que j'allais être comme écœuré, puis j'étais vraiment écœuré, mais tu sais, ça enlève à rien que j'aime le film pareil. Là. En tout cas, à mon avis. Dans le sens que ça a été populaire et ça fait partie de la. Ça a été une partie majeure de la culture américaine depuis combien de temps? Ah, écoute, le film est sorti en 79, je pense. L'affaire de même. Oui. Les jeux ont été faits il y a quoi, à peu près une quinzaine d'années, mettons, 91-92, là. Fait que, non, remake, c'est... Le remake, pas le remake, mais le... La suite n'était pas faite en 2000? La suite a été faite en 2000, mais je sais pas s'il a sorti un jeu. Je ne pense pas. Il semble que non. On y va-tu avec les nouvelles? Parce que, écoute, ça a brassé dans le monde du jeu vidéo, là, au courant des dernières semaines. Nintendo, on commence tout de suite avec la news de Nintendo. Vas-y, Sylvain, je vais... Pas le rapide, moi, en attendant. OK. Sylvain, je te laisse y aller. Dis-nous les nouvelles par rapport à Nintendo. Écoute, je pense que Nintendo nous a surpris pré-E3 quasiment avec le Nintendo Direct. Oh que oui. Deux Zelda HD pour les Wii U qui s'en viennent, dont un remake de Wind Waker en HD. Déjà là, en partant, c'est flap, flap, flap. Oh que oui. Je pense qu'on s'y attendait pas. Moi, je m'attendais tellement à ce qu'ils sortent plutôt une version HD de Skyward Sword que j'ai été surpris qu'ils décident de faire Wind Waker. On a vu les screenshots comparatifs, puis c'est jouissif. C'est très beau, c'est très très beau. Si vous avez la chance, les accros, allez voir ça. C'est mauditement joli. Et je pense que c'est le jeu qui va me faire acheter la console. Sérieux? Ouais, c'est probablement ça qui m'a fait décider de finalement y aller, puis let's go. Ils ont annoncé un Smash Brothers pour la Wii U, puis la 3DS. Yes. Oh que oui! Ils ont dit qu'ils travaillaient sur un autre Mario 3D, donc genre style Galaxy, là. Ce ne sera pas Galaxy, probablement. Pas un Galaxy 3, je sais pas trop quel genre qui pourrait s'en aller avec Mario. Il pourrait sortir, je sais pas, au moins Super Mario Universe. Peut-être. Mais au moins qu'il me donne pas mal au cœur quand je joue. J'aime ça un petit peu avec Galaxy, juste avec le sens de gravité. Galaxy, je pense que c'est un de mes favoris, là, c'est oui, là, sérieux. Là. J'ai pas joué au 2 encore, malheureusement. Ok, le 1 il est bon, mais moi c'est juste des fois j'ai de la misère quand je vois Mario qui est comme en bas puis que la caméra est comme pas bien placée, des fois j'ai de la misère. Mais ça c'est mon avis. Là. Il y a un autre jeu qui m'a très surpris, c'est Yoshi's Yarn. Yes! Il était temps! Ben oui, mais c'est le truc du yarn de Kirby puis en faire un autre jeu avec un autre personnage. En tout cas, moi, je trouve que c'est très approprié. Peut-être qu'il pourrait faire ça avec d'autres personnages. Avec Zelda. Tu pourrais voir Metroid Yarn. Metroid Yarn, oui. peut-être pas, mais Yoshi, c'est un des personnages enfantins avec Kirby, fait que tu sais. Ça fit. C'est la question, ils vont sortir un Jigglypuff. Oh, Jigglypuff Yarn. La présentation du nouveau Pokémon pour 3DS. Je l'ai manqué celle-là, par exemple. Je t'avoue que je n'ai pas vu la nouvelle. Je pense que c'était une semaine avant, puis ils ont présenté du gameplay de Pokémon 3DS. Oh oui, c'est vrai. Okay, c'est vraiment le Pokémon qu'on voit comme en third person en arrière, je pense. Ça se peut-tu? En troisième personne en arrière? Ça se peut-tu? C'est 3D, mais c'est encore style RPG. Est-ce qu'on sait s'il va y avoir des cartes de Augmented Reality qui vont être impliquées dans ce jeu-là, ou comme un peu comme dans Kid Icarus, ou ils sont pas encore fait la tête? Je suis pas au courant, je t'avoue. J'ai jamais joué à un jeu de Pokémon, mais je pense que je vais, juste pour les accros, je vais me le procurer quand il va sortir pour vous dire comment est-ce que c'est. Moi, je t'avoue que moi, j'ai été fan dans les premiers temps. J'ai joué aux quatre premières cassettes, donc la 5. Rouge, bleu, jaune, puis j'ai joué argent, or. Puis après ça, j'ai trouvé qu'il y en avait tellement sorti. Il y a tellement de Pokémon à un moment donné, j'étais plus capable de suivre. Ils sont comme rendus à 600. Au début, ils étaient 150. Ça allait bien. Ils sont rendus à 600? Je pense qu'ils sont rendus à 600. Ah mon dieu, on discutait de ça. Ouais. Moi puis le nouvel employé à ma job, puis... Mm-hmm. Je disais, ah, mais ils sont à 250, puis ils me disaient, hey, ils trouvaient ça beaucoup 250, fait qu'imagine s'ils vont le dire demain. Je pense que c'est 600, je sais pas les accros, là, si vous avez le chiffre, vous pouvez nous le dire en même temps sur Twitter, mais il me semble que c'est entre 500 et 600 Pokémon, là. C'est beaucoup, là. Ouais, c'est énorme. T'as comme 3 évolutions par Pokémon, là. Fait que 3 fois 600. Non, mais tu sais, je veux dire, t'as comme un Pokémon... T'es bébé qui peut devenir comme à 3 formes différentes. Fait que imagine, toi, ils prennent une bébête, ils font comme le bébé, l'adolescent, puis l'adulte. Fait que... Ouais. Fait que je sais pas trop qu'est-ce que ça donne là-dessus. Là. J'ai hâte de voir ce Pokémon-là, mais je pense pas l'acheter, sérieusement. Écoute, j'ai acheté Pearl à Giger, dans le temps qu'il vendait tout son lot de son lot, puis je suis comme... Il y en a tellement, je suis pas capable de suivre. T'sais, parce que m'emmener dans Pokémon, le but du jeu, c'est de connaître les faiblesses de l'autre Pokémon. Mais des fois, là, ils sont comme rendus avec deux types, ils sont comme électrique, shadow, ou ben herbe, eau. Ça marche pas, là. T'sais. Non, vraiment pas, c'est trop. C'est trop. Sinon, en passant, il y avait pas d'autres nouvelles de Nintendo, je pense, hein, Sylvain? C'était pas mal des grosses nouvelles, là, sérieux. Là. Ouais, c'était pas mal des grosses nouvelles. C'est assez. Des nouvelles qui datent de... Peut-être Square Enix avec Dragon Quest 7 pour le 3DS. Mm-hmm. Xenoblade Chronicles 2 pour la Wii U. Ah ouais? Mm-hmm, ça a été annoncé officiellement. Il va y avoir un Xenoblade Chronicles qui va s'appeler X. Fait ah ouais? Oui, c'est annoncé. Le premier Xenoblade Chronicles que j'avais donné une critique qui était très très bonne. Si vous voulez aller voir ça sur ma page YouTube ou sur le site des accros. Sérieusement, Xenoblade, je suis très très content. C'est un très très bon jeu. Très très bourré d'idées. J'ai hâte de voir la suite. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il y a Resident Evil Revelations pour toutes les consoles. Oui, ça c'est une bonne idée. Sérieusement, je suis content. Oui. Absolument. J'ai hâte de jouer à ça. C'est bizarre, la seule console qui sort pas, c'est PS Vita. On sait pas pourquoi. Ouais, ça sort PS Vita. Je pense que ça sert à rien, finalement. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment bon qui est sorti pour la Vita récemment ou qui va sortir prochainement? Ça a l'air que le Assassin's Creed qui est sorti sur Vita est génial. Ah, ouais. Liberation, ça a l'air qu'il est meilleur que le 3. En tout cas, c'est ce que Bruno Georget de Rétro Nouveau disait. Mais sérieusement, PS Vita, je pense que il y a beaucoup de problèmes de cette machine-là. Mais la PSP a vécu la même affaire. Fait que, c'est pas nouveau. De mon avis. Une autre nouvelle qui est quand même assez grosse, c'est la faillite de THQ. Ah oh, oui, mon Dieu. Il en parlait. Mais. On s'y attendait, mais je t'avoue que quand ça a été vraiment confirmé, écoute, la série de nouvelles qui est sortie après, là, c'est tellement fou. Puis surtout de savoir quel jeu que ça envoie avec quelle compagnie, là, c'est vraiment fou, là. On parle par... que Ubisoft a racheté THQ Montréal. Oui, c'est ironique parce que c'est. Je me rappelle c'est quoi le nom de personne. Patrice Desilets. Merci Patrice, c'est ça. Ouais, Patrice Desilets qui est le un des qui était le c'est lui qui a créé le Prince of Persia puis Assassin's Creed. C'est lui qui a comme claqué à la porte de Ubisoft, mais finalement il retourne chez Ubisoft à cause de cet acheteur là. Oui, c'est ça. C'est qui a eu la franchise Darksiders? Ça n'a pas été encore décidé, je pense. Je pense qu'ils sont encore aux enchères. Je sais qu'il y a la compagnie Platinum. Comment ça s'appelle Platinum? Platinum Games, ceux qui ont fait le dernier Metal Gear Solid, Metal Gear Rising, puis comment ça s'appelle? Le jeu 2, là, c'est le 2 qui sort exclusivement sur Wii U. Là. Il y avait un. Bayonetta. C'est eux qui ont fait eux autres ces jeux-là qui vont. Ils essaient de l'acheter, mais ils attendent que les enchères comme. Ils attendent les enchères pour voir que ça coûte moins cher possible. Fait qu'en ce moment, pour ce qui est de Darksiders, il n'y a rien de décidé encore. Ce qui est dommage. Mais bon. Hein? On va attendre. On va attendre, mais tu sais, il y a quand même des bonnes nouvelles pareil là-dedans. THQ Montréal qui a été acheté par Ubisoft, qui est quand même. Moi, je trouve que je suis content que ça reste entre mains québécoises dans un sens. Relic Entertainment qui ont fait Warhammer 40 000, puis Company of Heroes qui a été acheté par Sega. Ils ont été achetés pour 26 millions, donc c'est quand même beaucoup. Oh, wow! Donc, ces gars ont vraiment confiance en ce studio-là. Il faut. Mm-hmm. Volition, ceux qui ont fait Red Faction et Saint Rose, ont été achetés pour 22 millions également. Donc, c'est beaucoup. Les licences, pour ce qui est des licences Evolve, je me rappelle pas c'est quoi ce jeu-là. Ça a été acheté par Take-Two. Il y a Homefront qui a été acheté par Crytek. J'ai fait un commentaire dans le podcast d'Épée Légendaire. Puis je vais leur faire ici. C'est que je trouve que c'est une maudite bonne affaire pour Crytek parce que Homefront, je trouvais que l'idée était très très bonne de faire une sorte de film quasiment à la Red Dawn, mais de jeu à la Red Dawn, mais. Je me suis mélangé. Mais que South Park a été racheté par Ubisoft, le jeu qui est censé sortir le bâton de vérité. Le qui était dû pour le en mars ben le 5 ou le 23 mars ouais. Ouais, le jeu par Ubisoft. Le jeu a été racheté par Ubisoft pour 3 millions, mais là Trey Parker puis Matt Smith sont pas contents Et ils sont en train de poursuivre THQ pour dire que non, vous n'avez pas le droit dans le contrat, c'est indiqué que vous n'avez pas le droit de vendre la licence. Et là, ils sont vraiment pas contents, fait que je sais pas ce que ça va donner pour le jeu, là. C'est assez désastreux dans ce cas-là pour ce jeu-là, parce que plusieurs, non seulement plusieurs ça l'entendait, mais quand je peux te dire ça, c'est parce que aussi vous aussi comprendre que Trey Parker puis Matt Stone avaient également beaucoup de dire sur ce projet-là. Mm-hmm. Puis en fait, c'est pour ne pas dire que fallait absolument que toutes les étapes passent par eux. Ça, c'est une étape que dans le fond, THQ ont passé par-dessus. Par-dessus les créateurs de South Park pour se faire. Mm-hmm. Je suis illustré par The Angry Video Game Nerd de Retro Gamer PQ. Fait que je perds le fil de mes idées. Bref, pour venir à South Park. Il est intense, Angry Video Game Nerd, mon dieu. Prenez South Park, ben c'est ça. C'est un peu trop scary, j'avoue, qui peut arriver quand tu donnes trop de pouvoir aux créateurs, mais c'est parce que Parker pis Stone, c'est tellement des gars qui se soucient de la qualité. Mm-hmm. Il y avait une confiance en THQ, ils ont peut-être, ça veut pas forcément dire qu'ils ont confiance en Ubisoft. Peut-être, mais peut-être qu'ils avaient proposé. C'est aussi simple que ça. Mm. Je sais pas. Les premiers jeux de South Park, c'était quoi? C'était quelle compagnie qu'ils avaient fait? Je pense que c'était. Je pense que c'est effectivement THQ. As-tu le même jeu que moi? Je pense que tu as le même jeu que moi, toi. C'est le lot PS1, je crois qu'il est first person shooter. Ouais, moi j'ai la version 64. Ah, c'est Acclaim. Acclaim, oui, merci. Acclaim, oui. THQ, non, je veux dire, ça n'a pas appartenu. Acclaim a fusionné, je pense, avec. Midway qui devait être Netherrealm. Ouais, je pense que c'est ça qui est arrivé. Far Combat, you know. Mm. Faut aussi savoir que THQ est le publicateur, donc celui qui va permettre la distribution du jeu, puisque le codage est fait par Obsidian Entertainment, qui est la même équipe qui a fait les Fallout, etc. Et compagnie. Fallout Skyrim. Fait qu'on va voir ce que ça va donner au courant des prochains mois. J'espère que la saga n'empêchera pas la sortie du jeu. Mais c'est inquiétant. Moi, je vous dirais de mon côté, là, je trouve ça très, très inquiétant. Aussi, maintenant que tu me mentionnes, mm-hmm. Je m'attendais justement à avoir ce jeu. Puis, je m'attendais avec THQ qui était pas avoir de la merde, mais j'ai également lu en premier lieu que, tu sais, comme tous les jeux de prévus pour THQ, ils vont tout faire. Tous les jeux qui étaient prévus pour être faits vont être faits, vont être publiés, vont être sur les tablettes. Mm-hmm. Mais il faut également s'attendre à des retards pour certains. Les circonstances. Évidemment. C'est normal. C'est normal. Je pense que, veux pas, des problèmes financiers, ça affecte tout le monde. Ça affecte également les producteurs, les créateurs. Absolument. À cause de ça, ben, c'est sûr que ça va faire en sorte que le jeu peut avoir des problèmes. Mais c'est pas grave. J'ai quand même bon espoir de voir que les jeux vont sortir. Fait que on touche du bois. Entre-temps. Sinon, à part ça, je pense qu'on peut embarquer directement dans notre sujet du jour. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Absolument! Alors, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui se passe, mais Sylvain est en train de vous ramener un personnage de Optimus Prime devant la caméra. Alors, on va passer... Je suis Optimus Prime! Non, t'es pas Optimus Prime. Oh, fuck! Optimus Prime est un petit peu plus grand et un petit peu plus menaçant. Juste un petit peu. on va embarquer avec le sujet du jour et j'avais dit de ce sujet-là par rapport à aux achats de Noël. T'sais, lorsqu'on va acheter des cadeaux dans le temps de Noël, ben tu sais, faut qu'on passe dans les magasins de jeux vidéo la plupart du temps. Et j'avais envie qu'on à soir, là, ok, on va se faire aimer et détester des magasins parce qu'on va les critiquer à soir. Sérieux là, on va en bâcher puis on va en aimer. Parce que je pense qu'on est rendu à ce point-là de dire, OK, quelle compagnie mérite notre argent, puis quelle compagnie qui mérite un coup de pied dans le cul. Et en même temps, cette compagnie-là, ben, si vous voulez envoyer quelqu'un se faire botter le cul, ben, vous pouvez demander à Antithèse et à Retro Gamer, ça va leur faire plaisir de le faire. Alors, on va commencer, mettons, avec la plus grosse bannière qu'on a ici au Québec, eBay Games. Qu'est-ce que vous pensez d'eBay Games, vous autres, les gars? On commence à quantité. Ça va très bon, non? OK. Ça là-dessus, bon, on va aller avec Sylvain. Ben là, je suis là, mais on va aller avec Sylvain pareil. Ok. Sylvain, on va avoir ton avis. Sylvain? Ah, Sonak. On vient de perdre Sylvain, je pense. Non, il nous entend pas. Attends, moi, il met ça sur le. Il y a de la gelée, là, sur le. Non, j'ai vu cligner des yeux. Bon, vous pouvez, je prends en attendant pour remplir un peu de temps. Écoute, eBay Games, qui devient de plus en plus GameStop, c'est un nom-là pour dire. Voyons. Il y a bien des raisons pourquoi que c'est une des meilleures magasins de jeux vidéo à qui on peut faire affaire. Je veux dire, c'est d'abord le. Tu peux faire un saut de cuillère en arrière, là? Oui, c'est moi qui fais à manger. Excusez-moi les accros, hein, parce qu'on entend de la cuillère en arrière, je fais comme. Désolé! Je ne pensais pas que ça allait entendre la cuillère, mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que Rétro est réveillé. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu penses? Comment je parle de la cuillère pour réveiller Rétro? Baby Game, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Baby Game, c'est de la merde. Allez pas jamais acheter CB Game. Sérieux, là, c'est quoi cette affaire-là? Les prix sont ben trop élevés. T'as regardé les jeux? Ça dépend. Un usagé qui coûte plus cher que le jeu neuf. Je te dirais. Ça arrive des fois, j'ose bien, des fois. Mais. Rétro, toi, t'as fait quel autre magasin de jeu? Hein? T'as fait quel autre magasin de jeu? Microplay. Microplay. Microplay, j'adore. J'adore Microplay. Je suis pareil. Mais on va finir avec eBay Games pour commencer. Puis après ça, on va aller à Microplay. Mais. Je vais y aller avec les bons arguments à distance. Hein? Ça dépend toujours d'un magasin à l'autre, dans le fond. C'est ça, ça peut dépendre. Mais notre appréciation générale, mettons. En général, c'est l'avantage de EB, du moins ceux que j'ai côtoyés à Montréal et à Laval, c'est que c'est eux qui offrent un des meilleurs services, puis les réponses les plus claires en ce qui concerne si tu veux savoir s'ils ont tel jeu ou pas. Ce qu'on peut savoir, c'est bon, Rétro on risque de pas être d'accord avec moi là-dessus, mais c'est certain que eBay Games, / GameStop, il y a des bons prix, il y a des bons deals. Ça dépend sur quoi naturellement. Je suis pas d'accord avec toi, Antithèse, mais je suis pas d'accord non plus avec Sylvain. Faut aussi penser à quand tu vas vendre tes jeux chez eBay Games. C'est une des grosses lacunes. J'ai jamais vendu chez eBay Games, fait que je peux pas te dire c'est quoi mon appréciation là-dessus. Ils vont acheter un jeu 50 cents puis ils vont le vendre 20$. C'est comme ça que c'est vraiment de la merde. Tu vois, moi chez eBay Games, moi j'aime beaucoup la variété. J'avoue qu'il y a beaucoup de variété de jeux. Lorsque je vois celui des aides de la mode. Moi, j'aime beaucoup y aller parce que je trouve souvent des jeux que je paye des peanuts. Des jeux PlayStation 2, je paye 1$, 2$, là. Des estis de bons jeux, ça, je suis content d'en acheter, là. Mais sinon, à part ça, écoute, moi, ce que j'aime, des fois, il y a certains jeux que je peux trouver là-bas que je suis sûr que je ne le pognerai pas ailleurs. Mais inconvénient, il y a beaucoup de choses d'inconvénients, je trouve, avec eBay Games. Puis là, je vais le dire avec vous autres, tout le monde. Ils checkent jamais leur CD. C'est de la merde. J'achète souvent des CD puis je leur demande de me montrer le CD parce que je sais qu'ils ne checkent jamais. Puis après ça, tu sais, ils vont essayer de te vendre la petite garantie là, à vie, là, 2$ là. 2 à 3$, ouais, ça c'est un petit peu comme. Il exagère, là. C'est exagéré. Ça oui. Oui, tout à fait. Puis, genre, là, au moins, sauf que. Moi, je trouve ça con parce qu'après ça, tu vois, chez Microplay, ils te font une garantie à vie quand tu achètes un jeu usagé. Et voilà. Hein? Fait que... Et autre chose que je déteste de chez eBay Games, j'ai jamais eu de service. Jamais. Zéro. Quand je vais acheter la cassette. That's it. Êtes-vous à prédire que c'est juste moi qui dois du service chez eBay Games? Ben, c'est peut-être parce que le gars te trouvait cute, là, mais en part ça, non. Ça fait. Regarde. J'étais allé. Avant, je faisais affaire avec les eBay Games de Joliette. J'ai jamais eu de service là. Puis à Montréal, je suis arrivé, j'en ai fait deux autres, jamais eu de service. Zéro. Mais il y a tellement de monde dans le magasin, je peux comprendre, mais j'ai jamais eu de service. Non, faut que tu sois capable de malgré tout donner un service, peu importe qu'est-ce qui arrive là. C'est ton devoir en tant que commis du micro, du e-begin. Ou même de n'importe quel magasin, en fait. Ben, en tout cas, moi, dans le temps, je travaillais chez Microplay, je donnais du service. Ah, oh, mais personne, aussi. J'avais beau avoir 4-5 clients, là, au moins, je passais chacun des clients pour savoir s'il y avait besoin d'aide ou pas. Puis, il y a bien du monde. Regarde, je vais le dire une chose, là. Le magasin, oui, c'est de l'importance, mais l'employé est important. Puis ça, il y a bien du monde qui s'en rend pas compte, parce que des fois, là, il y a des hosties d'épais qui travaillent là, puis c'est de la merde. Ils savent rien du monde du jeu vidéo. Moi, là, quand je travaillais, là, ils m'ont passé toutes les petites questions, j'ai toutes bien répondu. Puis après ça, je clenchais quasiment tout le monde qui travaillait chez Begin, chez Microplay à Joliette parce que hostie, je donnais du service. Hey, quand c'est rendu, c'est une petite parenthèse, quand c'est rendu que à l'ancien Microplay qui est devenu un Gamebot, et qu'il a fermé depuis, dis à un client, dis à un jeune homme, une Nintendo DSi, je pense que c'est même pas Marcin, d'ailleurs, c'est pas la première fois que j'en mentionne sur le podcast, dit qu'une DSi joue les jeux physiques de Game Boy Advance. Hein? Tu ne pas savoir de quoi qu'on parle? Non, tu le sais pas. Sérieux, tu le sais pas. Hey. Ça fait pitié. Quand j'ai ça, mais j'ai dit, regarde, je le dirai même pas c'est aux jeunes. La vérité, juste pour qu'ils s'aperçoivent que le commis, là, c'est un con. Mm-hmm. C'est désolé, vous avez entendu Sylvain qui a droppé sa tablette. C'est pour ça que vous avez entendu ce bruit-là. Ben non! On va aller... Il n'y a pas ta tablette, franchement. Microplay. Alors, oui. On va aller côté Microplay. Qu'est-ce que vous pensez de Microplay? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous détestez? Microplay, je peux dire... attention, Sylvain. Vous êtes que c'est le meilleur. Moi, les Microplay, j'adore le service au Microplay. Puis, ouais. Quand je vais souvent au même Microplay, les gars, ils me connaissent quand je vais là. Ils savent mon nom. Et ils se rappellent de mes goûts. Puis, ils affaires de même. T'sais, par exemple, je vais toujours dans là pour acheter mes calendars ou des trucs machin. Mm-hmm. Je rentre. Puis, hey, salut, tu as acheté un autre calendar aujourd'hui ou quelque chose? Je peux souvent savoir un peu quand est-ce que les deals vont arriver avant tout le monde parce qu'ils savent que j'étais un client régulier. Puis, ils prennent soin de leur clientèle régulière. Là. Mais j'aime beaucoup le comme Ben il disait, tu sais, l'espèce de contact client que je retrouve pas au EB Games. Au EB Games, c'est le contact client, genre faut pousser les garanties puis les niaisages là, un petit peu comme au Future Shop là. Tout à fait. Ouais. Là, moi ça m'écœure. Moi à chaque fois j'achète de quoi, tu prends les 3 piastres pour protéger ton jeu. Fuck you là, j'étais un collectionneur, j'ai rien à foutre. 3 piastres c'est ta garantie de merde, tu sais. Non, moi, comme je disais, moi je regarde le CD pour être sûr que certains qu'ils sont en bon état. Sinon je l'achète pas. Point. Si tu le fais réparer, il sera pas plus réparé là, tu sais, s'il graffine à tour de bras. J'y vérifie moi aussi à chaque fois que en tout cas, dans le temps que j'achetais au EB Games, avant que j'aille une épiphanie et que je découvre que c'était de la merde, j'achète plus jamais au EB Games. À chaque fois que j'y vais, c'est pour rire des prix surélevés sur les jeux usagés comparativement aux jeux neufs. Il y a le fait, par exemple, qu'au EB Games, mettons Mario Galaxy à 49,99$, puis t'as l'usagé à 53,99$. Il est juste. Moi, je trouve, surtout, ben, on va pas revenir chez EB Games rapidement. Des fois, ils ont de la misère à baisser les prix quand les jeux ont déjà droppé de prix. Je repense à, tu sais, quand Nintendo a sorti les Select, les jeux à 19,99$, et je te jure, je pense que ça a pris au moins un bon mois avant de voir une copie de Zelda à 19,99$. Puis, avant, les jeux étaient sortis ailleurs. Et plus. Oui. À moins et plus, c'est vrai. Mais pour eBay. Mm-hmm. C'est parce que aussi avec eBay, tu peux des fois avoir du. Ça peut assister une certaine clientèle qu'on ne veut pas. Tu peux avoir du contenu téléchargeable exclusif de EB Game GameStop quand tu achètes un nouveau jeu. Ouais. Tu peux avoir chez Future Shop, tu peux aussi avoir ailleurs, mais malheureusement pas chez Microplay. Mais pour ceux qui s'en foutent comme d'autres, qui veulent juste jouer à des jeux, ben, c'est ça. Moi, quand j'achète des jeux que je veux vraiment, qui a un bonus, parce que je veux un bonus physique, puis je vais aller au Future Shop. Et voilà. Mm-hmm. C'est genre les boîtiers en métal, puis les trucs comme ça, là. Ça, c'est le style Future Shop. Là. Moi, j'aime bien ça, avoir ça dans ma collection. Ça fait nice. T'sais. Ça fait beau. Tu peux bien dire, ah, j'ai le DLC, mais tu peux pas le montrer à tes chums dans ta bibliothèque. Là, mm-hmm. sinon, est-ce que tu as quelque chose que tu n'aimes pas chez Microplay, Sylvain? Qu'est-ce que j'aime pas chez Microplay? C'est parce que tous les Microplay sont setés différents. C'est ça, c'est une chose qui m'agace bien. Mm-hmm. Il n'y a pas un Microplay, en tout cas à Québec, il n'y a pas un Microplay qui est fait pareil. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis, ils n'ont pas tout le temps le même stock, mettons. Tu as des Microplay qui ont plus de DS, tu as des Microplay qui ont quasiment rien. Les Microplay qui ont quasiment juste du Xbox 360, d'autres qui ont juste du PS3, quasiment. Ouais, t'sais. Et... Ça, là-dessus, je peux te répondre un peu pourquoi. Hein. Ça dépend toujours du gérant, finalement, qui s'occupe du Microplay. C'est les gérants qui s'occupent des achats, puis ils vont avec leur guest. Fait que, tu sais, s'ils ont plus d'Xbox 360, ils vont vendre. S'ils vendent plus de 360, ils vont vendre 360. Je me rappelle, je vais déjà aller au Microplay sur Jean Talon, en face des galeries Boulevard. Et lui, c'était spécialisé en rétro gaming parce qu'il y avait pas mal de stock. Il trouvait des jeux PlayStation 1 9, mettons, ben, des PlayStation 1 puis des PlayStation 2. Puis il vendait plus ça que des jeux de PS3. Okay. Fait que ça dépend du gérant, finalement. Quand même, tu sais. Je t'avoue que c'est très seté différent. Dans le temps, je travaillais chez Microplay. Moi, j'en ai peut-être plus. Ouais, ben... Il y a du lag. Lag wagon. Ça a l'air du lag plus de ton côté, je pense. Est-ce que ça a lag avec moi? Ben, Sylvain lag avec moi uniquement, en tout cas. Ouais, Sylvain, il lag avec moi aussi, là, mais... En tout cas, moi, je t'entends super bien. Oh. Et là, Sylvain est en freeze frame. Il est en train de générique. Ah, il a bougé! Mes yeux. Il a bougé. Bon, ça va être la job de montage tantôt, hein, ma gang de chanceux que vous nous écoutez sur YouTube. vous verrez pas ça dans la version audio, mais vous allez savoir que j'ai travaillé fort dans la version audio. Juste pour vous dire finalement que c'est ça, chaque Microplay est différent parce que chaque gérant a sa propre façon de travailler et met ses jeux différemment selon sa clientèle et ses goûts à lui. Et dans le temps que je travaillais au Joliette, notre gérant de notre côté Microplay, lui, il faisait beaucoup rentrer de RPG, puis il faisait rentrer également beaucoup de derniers titres comme les Mass Effect puis tout ça. Mais les jeux qu'on pouvait avoir et qui sont sortis comme un mois et demi après, il n'y en avait aucun. Mm-hmm. Ah, ok. Ben, sinon, moi, de mon côté, Microplay, j'adore le service à clientèle, sérieusement. Je pense que c'est une de leurs forces. Puis je pense que Vidéotron travaille très fort pour donner un bon service à clientèle. Parce que sérieusement, lorsque j'ai des questions à poser, d'habitude, les commis sont bons. Il y en a quelques-uns qui sont mauvais, mais ça, c'est une généralité. Dans tous les magasins, vous allez en avoir. Mais sérieusement, ceux qui m'ont servi la plupart du temps savent de quoi ils parlent, puis s'ils ne savent pas, ben ils vont quand même essayer de t'aider de la meilleure façon possible. Ça, là-dessus, j'ai un bon plus là-dessus. La carte également, je ne sais pas si c'est à Québec ils ont ça, lorsque tu achètes des jeux usagés, ils te donnent une carte pour chaque 20$. Oui. Ça, sérieusement, je trouve ça le fun. Ça a disparu un bout de temps. Il n'y en a pas à Joliette. OK. Il n'y en avait pas eu à Joliette, mais à Montréal, ils m'ont donné une carte de même, puis sérieusement, je suis content. Je trouve l'idée le fun, sérieusement, d'acheter 8 jeux, puis de donner 25$. 20 ou 25$ pour ton prochain jeu. C'est le jeu à faire, ben moi. Ah, c'est 6? OK. Ouais. Je pensais que c'était les jeux en haut de 20$. Sérieusement, je trouve que c'est une très bonne affaire. Les inconvénients, c'est souvent... c'est ça, comme il dit, les différents magasins sont pas setés comme tout ensemble, ce qui me fait désoler un peu. Et en même temps, je trouve qu'à certains moments, les jeux peuvent être chers. Je me rappelle d'avoir vu les copies de Castlevania Lord of Shadow, ils vendent 25$, puis quand je joue chez eBay Games, des fois, ils vendent 15$. Que des fois, c'est comme... Ouais, des fois, ils le vendent un petit peu plus cher, je trouve, des fois, chez eBay Games. Mais ils sentent la balle. Oui, ils sentent la balle. Des fois, c'est l'inverse. Les jeux neufs? Les jeux neufs sont quand même bien setés. C'est surtout les jeux usagés, je te dirais. OK. Moi, je trouvais que les jeux usagés chez Microplay sont toujours moins chers qu'ailleurs. Ça dépend des jeux, mais il y en a certains des fois. Des fois, c'est l'inverse, mais je trouve des fois que c'est trop cher. Comme je te disais, Lord of Shadow, 25$, mais tandis que j'ai payé à la mienne 15$ chez Big Games. Ce que j'ai remarqué le plus chez Microplay, c'est que souvent, ils vont faire des spéciaux. Une semaine, certains jeux vont être plus hauts, d'autres vont être plus bas. Puis il faut vraiment que tu magasines là, plusieurs fois. Ça te fait retourner plusieurs fois. Parce que souvent, je prends des deals là, de jeux, ça dure rien que 3 jours, genre, ou des trucs machin. Là. Ah, mais par exemple, je pense à leur promo, finalement. Leur promo, c'est une bonne chose également. Ils font souvent le deuxième jeu, t'as 50% de rabais en prisonnier. Ça, c'est un très bon deal. Ils n'en ont pas ailleurs. Non. EB Games, ils n'en le font pas. Game Buzz, ils n'en font pas. Des shots pour EB Games. Comme je l'ai souvent dit, EB Games, ils s'assient sur leur... C'est pas bon pour les spéciaux. Moi, j'ai jamais vu de spéciaux quand même. C'est juste plus avantageux en bout de ligne quand tu vas chez Microplay pour ça. Pour ça, on va te cacher. Effectivement. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu penses de Microplay, Antithèse? Microplay, je trouve que c'est effectivement un des meilleurs magasins qu'il n'y a pas. Je fais souvent affaire avec celui à la Chine, qui est pas un très gros Microplay. Okay. Mais c'est très sympathique et c'est ça qui fait son charme, c'est le fait qu'il soit aussi sympathique. Lui, c'est aussi lui que j'ai... c'est lui d'ailleurs que je vais de plus en plus acheter mes jeux. Je veux dire, regarde, écoute, j'ai vu, on en parlait tantôt, des prix. Je vois Bioshock $15 chez EB Games. Puis là, je vois Bioshock pour $10 chez Microplay. Bien, t'es à la maison. Également, Microplay n'a pas peur, n'a pas peur de demeurer rétro. N'a pas peur d'exposer ses jeux de PlayStation 1, PlayStation 2, GameCube. Du moins, je sais que celui à la Chine le fait, je sais que celui à la salle le fait. Oui. Mais c'est bien parce qu'il y en a souvent que justement, il y a plus de gens qu'on le pense. Qui veulent jouer des jeux rétro. Je veux dire, ça va. Les gens ont toujours de toute façon vouloir jouer des jeux rétro. Alors, ils ont compris qu'il y avait un marché pour ça et qu'il va encore avoir un marché pour ça pour les années à venir. Oui, parce que il y a certains microplays, par exemple, qui n'en ont pas. Je t'avertis, celui de Joliette, ils l'ont enlevé au complet. Et ça a été une très mauvaise idée. Moi, je l'ai même dit au boss. À mon grand boss, tu sais, comme au party de Noël quand il était bien chaud, là. Je sais pas si t'en souviens pas. Mais j'y avais dit que c'était une mauvaise idée, puis lui, il a continué sur son idée, mais sérieusement, les jeux rétro, tu payais ça, regarde. Des fois, il y a des jeunes qui m'emmenaient des sacs de jeux rétro, je les achetais comme 50 cents, je les revendais 5-6$, quand même plus que 100% de profit, là, tu sais. Pas mal, oui. Sinon, t'as-tu des mauvais quotas à donner à Microplay? Microplay, je peux juste parler de mauvaise expérience, je peux pas parler vraiment de... Mais pour avoir travaillé pour Microplay, je peux juste parler de mauvaise expérience, je peux pas parler vraiment de je peux pas vous donner vraiment de mauvaise opinion sur le service que Microplay donne, à part que je peux te dire qu'il y a eu un temps où c'est que Microplay a connu une période sombre. Je te dirais, en fait, Microplay avant avoir été acheté par Vidéotron, ça a commencé à chuter, et avec bonne raison, le service n'était pas le même, la qualité de service n'était pas le même, c'était pas tout le monde qui suivait le principe des listes de prix de jeux vidéo. Il y a encore certaines personnes qui s'amusaient, certaines micro-play qui s'amusaient à booster les prix pour maximiser leurs profits. Je sais quoi, tu t'appelles quand je suis allé à celui de Station Park, je pense, avec CE? J'en avais déjà parlé dans le podcast. Oui, tu m'en as parlé, on s'en est parlé, oui. Ce micro-pelé-là avait fermé parce que le gars, il avait boosté les prix à tour de bras. C'est pas celui sur Côte-Versu, en fait, que tu confonds? Hein? Tu ne confonds pas à celui sur Côte-Versu? Je sais pas, ça se peut que ce soit Côte-Versu. Je me rappelle plus c'était lequel, faudrait que je redemande à CA. Mais écoute, cette place-là, là, je pense, ouais, je pense que c'était Côte-Versu. Côte-Versu, je peux dire que Dan, il s'est amusé beaucoup à booster les prix, là. Genre, il vendait trop, 100$, il vendait, c'est Silent Hill fucking 400$. Ben, c'est ça. Quand il a fait faillite, puis moi, puis c'est on a passé, écoute, les jeux, il les donnait quasiment, là, parce qu'il. Oui. Mais sauf que tu voyais le prix, tu sais, le ticket-tac, là, en NES, il était comme 20$, là. Oui. Tu l'ai comme payé à 75% de rabais, je payais 5$. Puis si j'ai pogné un autre jeu, t'es pas capable de le faire marcher, il me l'a donné, puis il marchait. Oups! On a perdu notre ennemi Sylvain. Non! Ah, il est revenu! Yay! Yay! Wouh! Bon. Fait que... non, c'est ça. Je pense que le défaut de Microplay, c'est aucune... C'est pas géré égal. C'est vraiment laissé gérer par chacun des gérants puis propriétaires. Je pense que c'est là le problème. C'est le seul problème. C'est plus straight. Oups. Ben, tu parles plus. Ah non, ben, je pense que j'ai arrêté de parler, c'est pour ça. OK, plus. non, c'est ça. C'est juste que le jeu, les compagnies, chaque franchise n'est pas gérée de la même, puis ça peut faire beaucoup de confusion. Mais sinon, je pense que c'est un des meilleurs magasins au Québec. Sérieusement, Microplay, même si j'ai travaillé, puis pour eux autres, j'avoue que je manque un peu d'éthique, mais j'avoue que pour moi, Microplay, c'est ce qui est le must, le best. On va y aller avec la franchise Game Buzz. Game Buzz, oh seigneur! Est-ce que tu connais ça, Sylvain, toi? Pas. Tu connais pas Game Buzz? Tu connais pas Game Buzz? Non, oh, pas grand chose. Ok. Ne manque pas grand chose, mon ami. Je vais y aller de mon côté pour expliquer un petit peu c'est quoi Game Buzz comme franchise. Ah, mon Dieu. Game Buzz te promet de tout te trouver, mais tu vas payer le double de ce que tu t'attends. Le double? Le quadruple, des fois. Mais souvent. Écoute, mettons, tu veux. Tu veux Legend of Zelda Collector sur GameCube. Donc, okay, on s'attend. Hein? Donc, t'es pas supposé te vendre. Le jeu, ouais, mais ça, on s'entend-tu qu'on s'en calisse? On s'en fout, exactement. Bon, ça n'a pas rapport. Ouais, ouais. Sur eBay, tu peux le pogner 40$ à peu près. Je dis ça même, un chiffre arrondi, à peu près 40. Tu vas chez Game Buzz, ils l'ont. Mais ils ne te le vendront pas 40. Oh ils non! Ils vont te le vendre 120. Des fois 200. Pour le même jeu. Des fois, ça peut monter. Oh oui. Final 7, là. Final Fantasy 7, usagé, je l'ai déjà vu à 125$. Je pense que celui que tu parles, il est en. Il vend, tu vois, à ce prix-là. Sur Sainte-Catherine. Proche de moi, c'était celui sur McGill. Oh dans, my dans god. Dans le magasin McGill. Oh 125$. J'ai vu ça, là. J'ai regardé Marie-Ève, là. Puis j'ai qu'en fait, Asti, ça n'a pas de bon sens. Gros Max, je l'ai vu là dans le coin où je viens de Joliette. Là. C'était 40$ dans le temps que tout le monde le voulait. Puis neuf, puis emballé, puis toute la patente. Non, il était usagé. Gros Max, 40$, je l'ai vu. Mais ça, c'est parce que tout le monde en cherchait un. C'est ça. Dans le temps, je pense que le film sortait. Fait que, tu sais, ça date d'un petit bout. Mais écoute, c'est la grosse lacune avec eux autres, c'est que s'ils te le vendent neuf, ils vont te le vendre au prix un petit peu plus cher. Donc, par exemple, s'ils vendent le jeu 60$, ben, eux autres vont le vendre 62$. Puis ah, si tu l'achètes usagé, ben, eux autres, si c'est un jeu qui n'est pas recherché, ils vont te le vendre pour des peanuts. C'est genre un hockey, ils vont te le vendre comme 25 cents, 50 cents. Mais ouais. Si c'est un, mettons, un Final Fantasy, ben, ils vont te le vendre à 80-100$ sans problème. Et je me demande encore comment ça fait pour marcher cette compagnie-là. Ben, c'est parce que, écoute, les gens aiment la variété. Game Boss offre une certaine variété qui n'en est pas vraiment, mais qui réussit à convaincre les gens que c'en est une. Parce que eux autres, je leur connais, ils ont beaucoup de stock. Si tu veux, cherche des goodies, ils sont bons là-dedans. Les goodies sont très bons. Ils ont tout. Tu cherches un goodies de Zelda, tu cherches un goodies de une peluche de Mario, whatever, ils l'ont. Ça, c'est le fun. Mais à ce qui a trait au jeu, je les trouve mauvais. Point. Ils sont horribles, effectivement. pour les deux jeux, en tout cas, les deux magasins que j'ai fait à Montréal, là, j'ai fait 5-4 puis j'ai fait McGill. Les deux m'ont pas donné une bonne impression. Non, c'est vrai, j'ai fait le troisième, t'en souviens, celui que je me suis fait insulter par le vendeur? Ben, c'est pas celui à McGill? Non, moi, celui à McGill, c'était l'ancien qui était au Co-Mont-Royal, je pense. Ok, ok. T'as insulté? Le gars m'a insulté. Oh my god, oui, écoute ça. Ok. Dans le temps que Nintendo Select sort, il y a à peu près comme un mois avant que ça sort, tu sais, j'attends la nouvelle, je dis. Là, j'allais magasiner, j'allais chercher un jeu, whatever, je me rappelle plus c'est quoi. Puis, je dis, je vais arrêter là, je vais lui demander c'est quand la date officielle, tu sais, la date de sortie, tu sais, des Nintendo Select, parce que je vais en vouloir un. J'arrive au gars, je dis, écoute, j'entends parler que Nintendo offrait bientôt des jeux pas chers 20$, tu sais, les Zelda. Le gars, il dit, non, ça se peut pas. Je dis, ben, c'est parce que j'ai vu la nouvelle sur Kotaku, là. Il dit, non, ça se peut pas, Nintendo fait jamais ça. Je dis, ben là, c'est parce que c'est annoncé, là. T'sais. Il dit, est-ce que tu sais rien? Je te l'ai dit que ça marche pas. Hey, tabarnak! Pourquoi ton est-ce type problème m'insulter? Il t'a pas en plus dit que parce que lui, c'était annoncé de micro-play, il en savait plus que toi. Ah, il dit, moi je sais. Non, mais tu sais, genre, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il avait dit, mais tu sais, genre, je sais, je connais ma job. C'est comme un tabarnak, mange un genre de marde, va voir sur Internet, est-ce-tu? Là, genre, j'étais vraiment. Il t'a vraiment dit, regarde, si t'es pas content, crisse ton camp. C'est ça que je fais, crisse mon camp. Ah oui, écoute. Tu fais jamais ça! C'est la pire affaire à faire en tant que vendeur! Il était dans ses SPM, là! Je sais pas! Mais j'étais déçu! J'étais tout seul dans le magasin avec lui, là! T'sais, pis j'avais tellement envie le lendemain, là, d'aller voir son boss et dire, regarde, check à tout à l'heure, ton gars, qu'est-ce qu'il m'a fait? J'avais envie. Il va s'en foutre! Il va s'en foutre, c'est sûr! C'est un Game Buzz! Hey, je me suis jamais fait aider dans un Game Buzz! J'ai la hargne, ok? EB Game, je suis capable de rentrer là, je suis capable d'aller faire mes affaires, y'a pas de problème. Je sais que je me ferai pas servir, mais, tu sais, je suis capable de rentrer là, y'a pas de problème. Game Buzz, j'en suis malade. Sérieusement, je suis plus capable d'y aller, j'ai envie de gerber à chaque fois que je vais. Me faire insulter par le vendeur, c'est vraiment pas ce que j'aime. C'est l'enfer. Ou encore, ils te font de bête, ou encore, Ou encore, tu peux surprendre des anciens employés, venir acheter des jeux, puis carrément blasser la politique, puis les contrefaits de Game Buzz devant tout le monde. Mettons que. Je te dirais que. Regarde, je me suis jamais gêné pour blaster Game Buzz, puis je continuerai encore, même temps, en ce temps, j'ai une voix. Hey, écoute, ils ne veulent pas se faire blaster, qui offre le service que les autres offrent, puis qui arrête d'être arrogant. Tout à fait. Leur client, c'est tout. Oui. Marie-Lune est allée acheter pour moi mon cadeau de fête, c'était mon FC3. Ouais, c'est cette fameuse console-là, pour ceux qui nous voient sur YouTube, la fameuse console Nintendo, Super Nintendo, Genesis. Au début, j'ai remarqué dans ma liste, je veux une Retron 3. OK? Parce que, bon, c'était ce que je voulais le plus. Le gars dit, non, j'ai pas de Retron 3, mais j'ai cette console-là, puis elle marche beaucoup mieux, j'ai eu des meilleurs commentaires. Il l'a jamais essayé, esti. Ben, come on, là. Je vais... Regardez, Zachro, là. La prochaine semaine, il y a une critique qui s'en vient du FC3. Et je vous jure, je la manque pas. Je la manque pas, tellement je suis en... Oui, il y a des problèmes de compatibilité. Beaucoup de problèmes de compatibilité. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui marchent pas avec cette console-là. Puis je suis très déçu. Puis je vais le dire. Puis sérieusement, tiens... Ça, c'est pour ça que je voulais avoir une Retron 3, parce que je savais que tu avais des bons commentaires à me dire sur cette console-là. Fait que, tu sais, mais la FC3, OK, elle est correcte, mais comparé à... Dis, le gars vient dire à ma blonde que c'est meilleur qu'une Retron 3. Hey, quel tournevis t'es rentré dans le cul à la journée d'avant? c'est bien le dire, ça. Ce qu'il faut savoir pour ce genre de console-là, est-ce que ça roule Castlevania 3, Nintendo et Star Fox? Nada. Mais je te dirais, au plus de rajouter le Game Boy, le Super Game Boy, marche-tu dessus aussi? Aussi. C'est les trois choses qu'il faut savoir si une console triple comme ça fonctionne. C'est savoir si Star Fox, le Game Boy, le Super Game Boy, puis Castlevania 3 sur Nintendo fonctionne. Si ça fonctionne pas, c'est de la merde. Je te rajoute également les manettes. Ah, tu peux pas changer de manette. Tu peux pas changer de manette avec cette console-là. C'est ça que j'ai trouvé le plus chiant. Fait que t'as pas de port pour les manettes normales, originales. Même pas. Je pensais que le port au début, ça ressemblait au port de Genesis. J'ai dit, ah, je vais pouvoir rentrer mes manettes de Genesis dedans, tu sais. Tu sais, une 6 boutons, ça va faire un job au pays, là, tu sais. Il est capable de jouer des jeux de Nintendo avec, Super Nintendo. Même pas. Voyons donc. Le format est fait plus petit que la manette, le format de la manette de Genesis. Fait que ça marche pas. Ben voyons donc. Fait que eux autres, ils vendent leur propre manette. Je les emmerde. Qui mange la merde? Fait que tu sais, à cause de ça, je vais être obligé d'acheter comme 2 kits de manettes supplémentaires au cas où que les manettes de FC3 marchent plus, tu sais. Ça me fait vraiment chier. C'est vraiment marrant. Ils sont disponibles. Hmm? Quand tu vas aller les acheter. Moi, je vais commander sur une note, regarde rendu là. Je me casserai pas le beigne, mais je vais regarder plus tard OP pour une Retron 3. Fait que. J'étais très déçu. Sérieusement. La Retron 3, il y a à vendre. Il y a à vendre sur le microplay de la fable. Non, mais la plupart des microplays le vendent. C'est parce que là, Marilyn, elle voulait l'acheter pour Noël, puis elle est allée au microplay local, puis il n'y en avait plus. Fait que c'est comprenable, là. Mais, tu sais, en tout cas, Game Buzz, très, très mauvais service. Puis, tu sais, le savoir en plus de la part de ta propre blonde qui dit « Non, j'ai pas apprécié le service, là. » Ça va mal pour Game Buzz. Oui. Fait que on recommande pas les Game Buzz. Rapidement, on pourrait jaser rapidement des... Est-ce que vous avez déjà été dans des magasins plus indépendants? Moi, je recommande fortement... le magasin sur Wellington, proche du métro de La Salle, à Montréal, qui s'appelle... Excusez-moi, j'ai un peu perdu les idées. Le Game Zone, sur au promenade Wellington. C'est un... Je pense d'ailleurs, quand toi t'es arrivé à Montréal, Ben, je pense que je te l'ai recommandé. Ouais, je suis pas allé encore. Bon côté. Lui, a une section impressionnante et très à jour de à peu près toutes les jeux et consoles de jeux que tu peux trouver, quoique on s'entend aussi, quoique PSP c'est peut-être leur plus faible. Mais encore là, PSP, tu sais, ça fait son temps. J'adore la console de mon personnage de la PSP, mais ça fait son temps. Faut pas se le cacher. Ok. Mais puis aussi la DS. Sauf que PlayStation 1, tu vas trouver des jeux de rare de PlayStation 1 là-bas. Exemple, Metal Gear Virtual Mission. 30$. C'est quand même abordable. C'est un petit peu cher, mais c'est pas 70$ comme le Game Boss te l'aurait vendu. Tout à fait. Tu sais, t'en as beaucoup d'affaires comme ça. T'as des originales, console PlayStation 1, les Slim. Ça serait ton magasin que tu recommanderais à Montréal. Pour les petits magasins. Ça, c'est mis à part micro. Ça, c'est mis à part microplay. Puis si vous êtes dans le coin du Game Boss, ben tu sais, pourquoi pas. Okay. Pas très bon, mais dans le coin de Wellington, Verdun, faites un tour chez Game Boss, vous n'allez pas le regretter. OK, rapidement. Sylvain, à Québec, est-ce que tu recommanderais un petit magasin, mis à part le Microplay? Play and Trade au Carrefour Charlebourg. OK. Hey, merci. Moi, j'ai une révélation. Je planifie aller à Québec cet été. Ah. Alors, le Play and Trade m'intéresse beaucoup, justement. Alors, je te rappelle. Ce qui était l'ancien Dimension qu'il y avait à Place Laurier, mais ils ont switché, c'est le même propriétaire, mais ils ont changé de nom, puis ils se sont installés au Carrefour Charlebourg, là où il y a un autre magasin de jeux rétro, par hasard, qui s'appelle le Free Games, qui est un petit peu moins gros. Il y a un petit peu moins de stock, mais il y a plus beaucoup de stock de PlayStation 2 puis de Xbox normal. Là. OK. OK, nice. Bon, moi, je connais pas beaucoup les adresses à Montréal, mais je vais pouvoir vous donner les adresses à Joliette, de mon coin natal, où c'est là que la plupart du temps, je trouve les deals, les meilleurs deals. Donc, si jamais vous cherchez des vrais bons deals de jeux Nintendo ou de n'importe quelle console, je vous recommande d'aller à Joliette. Il y a un magasin, parce que mon ancien, le premier magasin que j'ai travaillé, Jeux Express a fermé, mais Centre-Ville Vidéo sur la rue Notre-Dame à Joliette. À côté du Subway, allez-y fortement, vous allez pogner des jeux pas chers. Et souvent, là, j'y pogne les jeux là, je peux payer 10$, mais à Montréal, je pourrais payer 25-30$. Donc, faites votre recherche. Si vous avez la chance de passer à Joliette, allez dans ce coin-là de la ville. Sérieusement, vous allez trouver des beaux petits bijoux de jeux vidéo. Nice. On va finir là-dessus, les accros. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Antithèse, comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre sur antythese@gmail.com ou yahoo.ca. On peut également rejoindre sur Twitter à @antithèse16. Sans oublier naturellement un des meilleurs endroits où on peut discuter, jaser, se chicaner, se charmer. Non, peut-être pas se chamailler, s'il vous plaît. Un peu de civisme sur le forum des accros sur accrodesjeux.com. Sylvain, comment on peut te rejoindre sur Internet? Alors, vous pouvez toujours rejoindre RetroGamerPQ sur sa chaîne YouTube, sur le forum des accros, dont je suggère fortement, et sur Facebook. moi, de mon côté, si jamais vous voulez me suivre sur Twitter, c'est AccroDesJeux. Vous pouvez également me suivre via le Facebook des Accros des Jeux. D'habitude, je suis là une fois toujours à peu près tous les jours. Je fais mon tour une fois de temps en temps. Sinon, le Facebook, mon Facebook personnel, je ne prends personne et c'est voulu. Il y a encore du monde qui a essayé de m'ajouter comme ami. Encore un certain. Sans vraiment. Je suis pas méchant. Écoutez, je refuse juste tout le monde que je connais pas. Je sais pas pourquoi vous voulez m'ajouter. J'ai 20 personnes, c'est du monde que je connais personnellement dans la vie. C'est quasiment devenu un running gag dans le cas de Big Ben. Eh oui, c'est rendu un running gag de mon côté. Parce que j'ai trouvé quelqu'un qui m'a écrit. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un message personnel il y a comme 5 jours, puis je viens de m'en rendre compte là. Puis j'ai comme fait, non. On refuse. Alors, sinon, vous pouvez également me suivre sur le forum des accros. Allez-y fortement. On fait une présence plus accrue ces derniers jours. À peu près tous les membres des accros font un effort pour être plus présents. Fait que si vous voulez jaser avec nous autres, c'est le meilleur endroit. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce spécial magasin de jeux vidéo. On se revoit dans 2 semaines pour un autre podcast des accros. D'ici là, merci beaucoup tout le monde de nous avoir suivis. À la prochaine!